Bonjour tout le monde. Voici l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Nous débutons aujourd'hui un nouveau cours. Je suis Adrien Lachance. Et je suis Mélanie Marx. Profitons de l'année qui vient pour apprendre le japonais et découvrir la culture japonaise. Le personnage principal de notre sketch s'appelle Anna. Cette étudiante internationale, originaire de la Thaïlande, est une grande amatrice de manga, les bandes dessinées japonaises. Anna s'est inscrite au département de japonais d'une université de Bangkok. C'est là qu'elle a appris à tenir des conversations simples dans cette langue, mais elle souhaitait améliorer sa connaissance du japonais. C'est pourquoi elle a choisi de venir étudier dans une université de Tokyo pendant un an. Dans la leçon 1, Anna rencontre sa tutrice, Sakura, à l'université pour la première fois. Les tuteurs sont des étudiants japonais qui aident les étudiants étrangers dans leurs études et dans leur vie quotidienne. Sakura étudie pour devenir professeur de japonais. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 1. Notre phrase clé aujourd'hui est... Watashi wa Anna desu. Moi, c'est Anna. はじめまして。私はアンナです。はじめまして。さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。 Je vais maintenant vous expliquer ce sketch. Anna a dit はじめまして. Enchanté. C'est une salutation habituelle lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Quand quelqu'un vous dit はじめまして. Vous répondez はじめまして. わたしはアンナです. Moi, c'est Anna. C'est la phrase clé aujourd'hui. わたし signifie moi, je. Wa est la particule indiquant un sujet ou la marque du sujet. Qu'entendez-vous par là? C'est le thème de la phrase, c'est ce dont vous parlez. Le thème peut être le sujet de la phrase ou non. Dans cette phrase, watashi, moi, je, est le thème et le sujet aussi. Anna. C'est Anna. Quand vous voulez dire quelque chose comme le nom A est le nom B, comme dans moi, c'est Anna, vous dites des. Après B. Pour former une proposition, vous dites donc A, wa, B, des. Donc, lorsque je me présente, je dis Hajimemashite, watashi wa, Mélanie des. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, essayez de vous présenter en utilisant votre nom. Puis, Sakura répond. Hajimemashite, Sakura des. Vous savez maintenant ce que cela signifie. Enchanté, moi, c'est Sakura. Attendez une minute. Pourquoi Sakura a-t-elle laissé tomber watashi wa? Pourquoi n'a-t-elle pas dit watashi wa Sakura desu? Moi, c'est Sakura. En japonais, on laisse souvent tomber le thème ou le sujet si le contexte est suffisamment clair. Dans ce cas, il est évident que la personne qui parle maintenant est Sakura. Ainsi, cela paraît plus naturel si vous ne dites pas watashi wa dans une phrase comme celle-là. Si vous utilisez souvent watashi wa lorsque ce n'est pas nécessaire, vous pourriez paraître trop affirmé, ce qui n'est pas vraiment apprécié dans la culture japonaise. Je ne savais pas. Je vais essayer d'utiliser watashi wa moins souvent. Puis Anna ajoute よろしくお願いします. Vous dites よろしくお願いします. Lorsque vous vous présentez à quelqu'un. C'est l'équivalent de « ravi de faire votre connaissance ». Mais littéralement, cela signifie « je me réjouis à l'idée d'entretenir de bonnes relations avec vous ». Vous pouvez aussi employer cette expression en conclusion, lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. C'est une expression pratique. Nous allons l'employer souvent, n'est-ce pas? Puis Sakura répond « こちらこそ ». « こちらこそ ». Signifie « ravi de vous rencontrer également ». Ou, de façon plus littérale, c'est moi qui devrais vous dire cela. Sakura est une personne d'expérience sur qui Anna pourra compter, n'est-ce pas? Certainement. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 1. Notre phrase clé aujourd'hui est... Watashi wa Anna desu. Moi, c'est Anna. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Hajimemashite. Sakura desu. Yoroshiku onegai shimasu. こちらこそ. Nous avons une nouvelle rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Elle enseigne le japonais depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle va nous expliquer le système d'écriture japonais. La langue japonaise comprend trois types d'écriture, chacune ayant son propre rôle. Lorsque vous écrivez « Watashi wa Anna desu »,« moi c'est Anna », le substantif pour « moi »,« watashi », s'écrit en kanji. « Wa »,« desu » et les autres particules qui indiquent les fonctions grammaticales s'écrivent en hiragana. Les verbes et les adjectifs s'écrivent en combinant les kanji et les hiragana. Les noms étrangers et les mots empruntés, c'est-à-dire des mots provenant d'autres langues, Anna par exemple, Anna, s'écrivent en katakana. Les hiragana et les katakana sont des symboles phonétiques, chacun représentant une syllabe. Il y a 5 voyelles en japonais. A, I, U et O. Et le japonais compte 9 consonnes. En japonais, chaque voyelle, de même que la combinaison d'une consonne et d'une voyelle, forme une syllabe. Il y a en plus... Essayez d'écrire votre nom en japonais, en vous référant au tableau du système d'écriture dans le manuel pour cette émission, ou sur la page d'accueil de cette émission sur Internet. Voilà, c'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur » pour aujourd'hui. Voici maintenant notre rubrique « Les mots descriptifs des sons ». Mélanie, avez-vous déjà entendu parler du mot « onomatopée » ? Eh bien, « cocorico » pour un coq, par exemple ? Oui. En japonais, nous disons « kokekoko ». Ce sont des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. La langue japonaise en compte un grand nombre. Ils sont très présents dans les dessins animés également. Dans cette émission, nous allons donc nous intéresser à plusieurs de ces mots. Le mot du jour se rapporte à ce son. Comment décrit-on ce son en japonais? On aurait dit quelqu'un qui frappait un tambour. C'est le son d'une percussion japonaise, un petit tambour porté à l'épaule. Dans ce cas, le mot pour ce son est... Pom. Je vois. Pom. Est employé de diverses façons. Le son qui est produit quand je donne une tape dans le dos de Mélanie, c'est « pon ». Aussi, lorsque le maïs soufflé éclate, on entend « pon ». C'est amusant. Apprenons-en d'autres et utilisons-les. C'était notre rubrique « Les mots descriptifs des sons ». Aujourd'hui, nous vous avons présenté le son du mot « pon ». Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique « Les tweets d'Anna ». Qu'est-ce que Anna a observé au Japon aujourd'hui? Quand les gens se saluent, ils s'inclinent tous. Ils se serrent rarement la main. C'est comme en Thaïlande. Nous avons débuté aujourd'hui une nouvelle série de cours du japonais en douceur. Est-ce que ça vous a plu? La phrase clé du jour est... Watashi wa Anna desu. Moi, c'est Anna. Ne manquez pas notre prochaine leçon.